أخذنا في الدرس السابق عبارة عن مقدمة لهذا الكتاب الذي نحن فيه في صدده. Donc cours précédent, on a vu l'introduction de ce livre dans lequel on est rentré depuis quelques cours maintenant. C'est quoi le nom du livre dans lequel on est, Abdallah? Usul-Sitta. Usul-Sitta. Oui. وقد مر بنا أن الشيخ تعجب في مقدمته تعجب من شيء وما هو donc on a vu que le cheikh dans sa mukaddima il s'est étonné il a eu un étonnement ou il a évoqué un étonnement. Il s'est étonné de quoi? Il y a. La basmala. Là. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent dans ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent dans quoi? Dans le sita ou sur le sita. Eh, naam. Eh, naam. Ahsan, tu es rien. Il l'a étonné. Il s'est étonné de voir que énormément de gens, à son époque, ils connaissent le Coran. Ils lisent le Coran, mais ils sont insouciants ou ils ont une mauvaise compréhension de ces six bases que nous allons voir dans ce livre. Naam. Taïb. On avait vu une faïda sur le grand nombre. Et est-ce que le grand nombre et peut servir de preuve en soi. Par exemple, si il y a une divergence, entre les savants sur un point. Nous, on va suivre l'avis de la plupart des savants parce que c'est le plus grand nombre. Ou bien, rien. On suit avec celui qui a plus de dalil sahih. On suit le dalil. Non, on suit le dalil. Et non pas le simple fait que le simple fait du grand monde. Naam. La ibra, c'est bid dalil. Naam. Et on a vu une faïda jamila sur le fait que si une personne est critiquée parmi les actes d'adoration, s'il fait toutes ces œuvres-là, sans avoir le moindre poids d'atome de tawhid, toutes ces œuvres sont vaines. Elles ressemblent à un mirage. Il croit que c'est quelque chose, il croit qu'il a fait quelque chose, mais en fait, il ne va rien trouver chez Allah Azza wa Jal. Naam. Fait tawhid, amrun muhim jiddan. Donc le tawhid, c'est vraiment une affaire très très importante. Très très importante. Bihi yuslahu. C'est avec le tawhid que la situation du serviteur elle s'améliore et c'est la plus grande cause de la dissipation des soucis et des malheurs. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. نعم. والتقوى من التوحيد. تقوى الله من التوحيد. نعم. Et aussi le tawhid, c'est l'une ou c'est la plus grande cause qui fait sortir le serviteur, qui fait sortir la créature de l'adoration et de la servitude des gens. Donc il l'a fait sortir de la servitude des gens pour la servitude de qui? Hein? Pour la servitude de qui? Le tawhid, il fait sortir les créatures de la servitude des gens. Pour la serviture d'Allah Azza wa Jalla. Ama taraun ba'd al-kuffar bi sabab annahum la ya'buduna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sakharahum wa aqharahum ila an ya'budu ghayrah. Min al Mahlokat. Vous voyez certains koufars tellement, comme ils n'ont pas de, ils n'ont pas d'adoration, ils n'ont pas de d'être adorés, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a égarés jusqu'à ce qu'ils ont pris des créatures en guise de divinité. Et même si ce n'est pas d'une manière affirmée par la langue, avec leur faire, c'est la même chose. Pour eux, le travail, c'est l'essentiel. Hatta ida faqada wahed amalo, rubama yantahir nafsa. Jusqu'à l'un d'entre eux, s'il perd son travail, par exemple, il va se suicider. Il va dire ça, son c'est quoi le but de sa vie s'il n'a pas de travail. Wahada shirk. Le fait qu'il ait pensé que le but de sa vie c'est le travail, wahada shirk. Mao. Il perd sa femme, khalas. Sa femme, elle veut divorcer ou quoi, khalas. Lui, pour lui, il dit que ça y est, ça ne sert plus à rien de vivre, il se suicide. Kullu hada bisabab annahum ma akhlasu lillah. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas été sincères envers Allah Azza wa Jal dans leur adoration. Ils n'ont pas adoré Allah Azza wa Jal. Le tawhid, je crois, c'est une affaire très très importante. Pour celui qui veut suivre le dars, il y a notre Haroun, jazakallahu khairan, il a fait quelques photocopies du charh. Hein? Inch'Allah, on va distribuer comme ça. Hein? Ouais. Mais Inch'Allah, Ryan, c'est sorti que happy. Après ça, tu prends la main et Inch'Allah, on va débrouiller. Ça y est. À la kulli hal, donc le tawhid, c'est une chose très très importante. C'est pourquoi ce genre de doulos, ils sont très très importants. Ce genre de cours, qui sont basés essentiellement sur le tawhid et l'aqida, ils sont très très importants. Hatta nahnu fi Dammaj, kunna ou kana Cheikh Ibn Hizam yansahuna bi tikrar tadris kitab al-tawhid kulli am. Cheikh Ibn Hizam, il avait l'habitude de nous conseiller d'étudier kitab tawhid de Mohammed ibn Abdul Wahhab chaque année. Par exemple, tu l'as fait l'année dernière, tu l'écoutes encore. Tu le refais encore l'année d'après. Parce que le tawhid, tu en as besoin tout le temps. Tout, à chaque seconde de ton existence, tu en as besoin. Et aussi, le tawhid, c'est le sabab. C'est la cause qui va faire que la personne, ça lui est facile de faire des bonnes œuvres. Et ça lui est dur. Il trouve dur de faire des mauvaises œuvres. Pourquoi? À cause de son tawhid. Non. Tawhid, c'est lui qui enjolive dans le cœur de la personne la foi et les bonnes œuvres. Plus tu as de tawhid, plus tu trouves les bonnes œuvres et les gens qui les pratiquent, plus tu les aimes. Et en conséquence, plus tu détestes le kufr et les gens qui le pratiquent. نعم. على كل حال, هذا هو الأصل الأول. طيب. قلنا فهو الأمر العظيم الذي جاء به جميع الرسل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc ça, le tawhid, c'est vraiment le commandement suprême avec lequel sont venus tous les messagers d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Nahl, verset 36, et certes nous avons suscité, selon une traduction approximative, et certes nous avons suscité dans chaque communauté des messagers afin qu'ils disent adorez Allah et éloignez-vous du tarot. وقوله إخلاص أي تخليص فهو مصدر بمعنى تخليص الدين Donc lorsqu'il dit ikhlas, ça veut dire quoi l'ikhlas? Et il y a takhlis, yani la purification. Le fait de purifier une chose. Et takhlis ad-din, le fait de purifier quoi? Ad-din. C'est quoi ad-din? La religion. Le fait de purifier la religion. والدين هو العمل فالمراد إخلاصه لله تعالى أي تخليص العمل تخليص العمل نعم نعم فقال ومعنى تخليصه وإخلاصه تبرئته من كل لوث وشرك مع الله سبحانه وتعالى. Quand on dit l'ikhlas, le fait de purifier ses œuvres, le fait de purifier ses œuvres, c'est-à-dire purifier de toute souillure, yani qui comprend du shirk avec Allah Azza wa Jalla. فإخلاص العمل تبرئته من كل نصيب لغير الله جل وعلا. Et lorsque tu dis que l'ikhlas, c'est le fait de purifier son œuvre purifier son œuvre de tout associé avec Allah Azza wa Jal. Ça veut dire toi tu œuvres, mais tu t'efforces de faire en sorte que cette œuvre-là soit purement et simplement pour Allah Azza wa Jal. Non. والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح فيشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة ويشمل الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة فإن الجميع يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. Donc lorsqu'on dit les œuvres doivent être purifiées pour Allah Azza wa Jalla, c'est toutes les œuvres, c'est-à-dire que ce soit les œuvres du cœur. Qui est un exemple des œuvres du cœur? Muslim. Tawhid, si tu dis la ilaha illallah, c'est le tawhid, ça? Naam. Al-Iman. Quoi? Al-Mahabba. Naam. Tawakkul. Naam. Naam. Ahsan. Kadalak, muslim, tawhid, naam. Qad yasdur min al-qalb. Voilà. Taïb. Donc, toutes les œuvres, que ce soit les œuvres du cœur, les œuvres des membres, comme la langue ou autre, toutes ces œuvres-là doivent être purement et simplement accomplies pour la face d'Allah Azza wa Jal. وَلَا تُقْبَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا بِوُجُودِ هَذَا الْأَمْرِ فَهُوَ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا. Donc, toutes les œuvres, peu importe leur nombre, toutes les œuvres, elles ne sont acceptées que par rapport au tawhid. Et ça, c'est un point vraiment, yani, azim, jiddan. Dans la mosquée, on peut être combien à prier? On va être peut-être, disons 30 ou 40 personnes à prier. On fait les mêmes gestes, sahwalana. On fait les mêmes gestes. Rubbama, on lit les mêmes surahs. Il se peut qu'on lise les mêmes surahs. Cependant, un tel, sa salat auprès d'Allah Azza wa Jal, elle a peut-être 700 degrés. Et un autre, elle ne dépasse même pas 10 degrés. Et un autre, il n'a même pas de hasanat, il n'a que des péchés. Pourtant, c'est que des gestes. Qu'est-ce qui fait la différence? Al-niyya. Naam. Al-niyya wa al-khushu'u. Naam. Fa-alladhi yukhlis amalahu lillah. كبر أجره وكبر منفعته كبرت منفعته. Donc celui qui est sincère dans son œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala lui multiplie sa récompense. طيب قال أي يعبدوا أن يعبدوا ربهم وحده. طيب فهو المطلوب من الخلق جميعا أي أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا ويكون في تلك العبادة على النور الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي أن تكون موافقة لسنته سبحانه صلى الله عليه وسلم وكل هذا لا يحصل إلا بفهم سليم وهو فهم خيار الناس على الإطلاق بعد الأنبياء et aussi ça c'est un point très important que طيب ton œuvre elle est pour Allah عز وجل mais il y a une deuxième condition encore pour que ton œuvre soit acceptée c'est qu'elle soit en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. C'est qu'elle soit en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour qu'elle soit, pour que toutes tes œuvres elles soient en conformité avec la tradition du prophète alayhi salam, il faut qu'elles soient avec une bonne compréhension. Des fois tu as des hadiths qui sont ambigus. Si tu les comprends d'une façon, tu peux t'égarer. Pourtant tu es parti d'un hadith. Belle, des fois c'est des ayahs. Les versets du Coran, ils sont ambigus. Si tu les comprends d'une mauvaise manière, tu peux t'égarer. Alors là, c'est quoi le mizan? C'est la compréhension de qui? La compréhension des pieux prédécesseurs. Et les meilleurs d'entre eux ne sont autres que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc l'insan, il doit marcher dans ses œuvres sur ces trois choses-là. Al-ikhlas, sunnah, wa fahm, al-salaf, salih. فهم الصحابة نعم طيب فعلى العبد أن يخلص عبادته لله عز وجل وأن لا يسرف شيئا منها لغيره وإن قل نعم donc la personne elle se doit d'être sincère dans toutes ses œuvres dans toutes ses adorations il se doit de vouer un culte sincère à Allah عز وجل même si il fait peu d'œuvres يا إخوة والله أن العبرة ليس بالكثرة كثرة الأعمال ليس هذا العبرة le fait de multiplier des œuvres قيام الليل jeûne de داود صدقات طائلة وغير ذلك c'est pas ça la عبرة c'est pas ça la عبرة la عبرة c'est l'ikhlas ça veut dire que c'est des bonnes œuvres c'est des bonnes œuvres tout ça قيام الليل c'est une excellente œuvre mais s'il n'y a pas d'ikhlas ما ينفع S'il n'y a pas d'ikhlas, rien faire. Tandis que quelqu'un, il ne rajoute rien, il ne fait pas de surrogatoire. Il vient juste, il fait juste ses cinq prières à l'heure, mais il est sincère. Lui, il a beaucoup plus de haz que quelqu'un qui n'a pas cette sincérité. Non. Yaskurun ani l'imam Malik. Wa la'alla ba'dukum qad sami'a. Yaskurun ani l'imam Malik. Ma'a jalalate. Annahu kan la yukthir min as-siyam. أنه كان لا يكثر من الصيام وهو الإمام مالك يذكرون هذا يصح الله أعلم لكن يذكرون هذا قال ما يكثر ما كان يكثر من الصيام وغيرها من العبادات ولكن قالوا لشيء في قلبه donc il disait que l'imam Malik Il ne faisait pas beaucoup d'œuvres surrogatoires. Certains ont dit qu'il ne faisait pas beaucoup d'œuvres surrogatoires. Mais pourquoi il a été élevé comme ça? Pour quelque chose qu'il avait dans son cœur. Oh, l'ikhlas. L'ikhlas, là où d'or, il y a. L'ikhlas, là où d'or. L'imam Malik, on est venu, on lui a dit, oh imam, il a appelé son livre le plus célèbre, c'est, quel a commencé son nom, Mohamed? Al-Muwatta. C'est un livre que beaucoup au Maroc et en Algérie, c'est surtout dans ces deux pays-là avec à l'époque ancienne l'Espagne, ils étudiaient beaucoup ce livre-là. Al-Muwatta, Muwatta l'imam Malik. Et donc lui, quand il a donné un titre à ce livre, à son livre-là, il l'a appelé Muwatta. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'imams qui avaient écrit des livres dans le hadith qu'ils avaient appelé Muwatta. Ils ont dit, il y a imam, il y a beaucoup de Muwatta'at. Il y a beaucoup de livres qui s'appellent Muwatta. En gros, il faut que tu changes soit ton nom, soit... Et l'imam Malik, il a répondu une parole célèbre. Ma kana lillahi baqid. Ce qui a été fait pour Allah, Azza wa Jal, ça restera. On n'a pas besoin de changer de nom, là. Si c'est fait pour Allah, ça restera. la mahalata. La bud, ça va rester. L'imam Malik, il a des paroles qui te montrent que c'était vraiment quelqu'un de sincère. Des gens, ils ont fait un voyage pour le visiter, pour lui poser des questions. Un voyage de 40 jours. Vous voyez déjà, nous, si on voyage pendant 4 heures, comment on se fatigue? Eux, ils voyagent pendant 40 jours pour poser des questions très importantes. Ils ont posé peut-être sur 40 questions, l'imam Malik, il a répondu à 10. Toutes les autres, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ah. Jusqu'à les voyageurs qui sont venus lui poser des questions, ils sont étonnés. Ils disent, c'est toi l'imam d'Al al-Hijra? C'est toi l'imam de Al-Médine qu'on entend parler de lui dans le monde entier? On vient, on te pose des questions, tu dis, je ne sais pas. L'imam Malik, il a dit, monte sur cette montagne qui est là, et crie au milieu des gens que l'imam Malik ne sait pas. Maïbalo. Parce que eux, ils n'avaient pas de... C'était pas leur souci de dire que moi, je suis le savant, moi, j'ai de la science, moi, je... Non. Leur souci, c'était l'ikhlas. Leur souci, c'était l'ikhlas. Taïb, qala... وعليه أن يعبد ربه بالطريق الذي جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc non seulement il se doit d'être sincère envers Allah dans son œuvre, mais de suivre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui fait une œuvre qui n'est pas sur mon ordre ou sous mon commandement, alors cette œuvre sera réfutée. Wa an yakuna fahmuhu fi dhalika mutabiqan li fahmi salafina as-salih min al-a'imma fa in 'amila bi hadha kullah hasala lahu al-fawz wa al-falah fi ad-dunya wal-akhirah. Ya rabb al-Ka'bah. Celui qui œuvre avec ces trois choses-là, tawhid, sunna, wa fahm as-salaf, yani il va trouver la félicité dans toute sa vie. Le moindre problème qu'il rencontre dans sa vie, il ramène au kitab d'Allah, à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, et au fahm, à la compréhension des plus prédécesseurs. فلا يكون صاحب السنة إلا موحدا في عبادته ليس هناك سني مشرك أو سني كافر. نعم. Ça n'existe pas quelqu'un, un partisan de la sunna qui associe à Allah Azza wa Jal. Non, ça n'existe pas. Il est partisan de la sunna, ça veut dire que c'est un mouahid. C'est pourquoi celui qui ashraka billah, la naqul annahu sunni, wa la naqul annahu ala sunna ou shay min dhalik. Là. Non. طيب, فهذا الأصل يعتبر ردا على المشركين من الكفرة والمبتدعة كالصوفية الذين يدعون إلى عبادة القبور والغلو في الصالحين وإلى غير ذلك من الشركيات. Donc cette base là, ce premier fondement là, c'est une réfutation envers tous les associateurs et envers certains innovateurs comme les soufis. Il faut savoir que Mohammed ibn Abdul Wahhab, la plupart de ses livres, c'est des réfutations à cette secte, les soufis. Car il a beaucoup été éprouvé par cette secte, les soufis. Non. Et les soufis, comme vous le savez, eux, ils appellent à adorer les awliya, les walis, les alliés, si on peut les appeler comme ça dans une tradition. Non. De tourner autour de, yani faire tawaf autour de leur tombe, ou de se prosterner pour leur tombe. Tout ça, c'est du shirk. فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَكُونَ مُوَاحِدًا فِي الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ. Donc, il est obligatoire à l'homme d'être monothéiste dans sa volonté et dans son œuvre. Je viens de dire quoi là, Ali? Il est obligatoire. Hein, à la personne d'être monothéiste dans sa volonté et dans ses œuvres. Qui peut me faire comprendre cette parole-là? C'est le qasd ou l'amal. Il doit être monothéiste dans son dans sa volonté. Et monothéiste dans son œuvre. Dans sa volonté, dans son intention, ça veut dire qu'il fait la, chose pour Allah Azzawajal, l'arrêt est dans son œuvre. La manière dont tu l'as fait. Ça veut dire il est monothéiste, ça veut dire que lui quand il le fait il suit qu'une seule personne, pas trois, pas quatre, c'est qui? Le prophète alayhi salatu wa sallam, l'arrêt. Tamam, هذا معنى يعني واحد في القصد بالعمل. طيب في القصد بانه لا يريد بذلك الا وجه الله وفي العمل بانه لا يتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est un asl. Ne suit personne si ce n'est le prophète alayhi salatu wa sallam. La fulan wa la allan. Wain kasura fadlo. Même si c'est quelqu'un de mérite, la seule personne qui est obligatoire que tu la suives, c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal, Muhammad alayhi salatu wa sallam. Tayyib. Na'am. فلا بد من هذين الأمرين الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا تحقق الأمران صحت الأعمال وإذا اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل فيهما. طيب وقوله بيان ضده الذي هو الشرك. Ensuite il dit le cheikh il dit que le premier fondement c'est l'ikhlas, la sincérité, le culte sincère pour Allah Azza wa Jal, seul sans rien lui associer. Et aussi bayan diddihi alladhi huwa shirk billah. Et aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci le contraire du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci le contraire du tawhid, c'est-à-dire le shirk. قال فإن الله تعالى بين الأمرين بين الأمرين أتم البيان أي التوحيد والشرك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a éclairci qu'est-ce que le tawhid et il a éclairci qu'est-ce que le shirk. وهذا من عظيم حكمته أنه بين ما يجب على العبد إتيانه وما يجب عليه اجتنابه فإن معرفة الشيء تسهل أو تسهل إتيانه واجتنابه. Et ça, c'est une grande sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est expliqué dans son Coran et dans la sunna de son prophète, qu'est-ce que le tawhid. Et en même temps, il a expliqué dans son Coran et dans la sunna, qu'est-ce que le shirk. Pourquoi? Parce que ça va simplifier aux gens de se rapprocher, le fait de se rapprocher du tawhid. Et ça va leur simplifier aussi le fait de s'éloigner du shirk. Parce que quand tu connais une chose, ça t'est facile de t'en rapprocher ou de t'en éloigner. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas véritablement t'en éloigner. Ni t'en rapprocher. Taïb. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ حُدَيْفَ إِبْنُ الْيَمَانِ كَانَ النَّاسِ يَسْأَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. Et en partant de ce qu'on vient de dire, il y a la parole du noble compagnon Hudayfa ibn al-Yaman qui dit les gens au temps du prophète alayhi salatu wassalam avaient l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wasallam au sujet des bonnes choses, des bonnes œuvres. Tandis que moi, je préférais demander, poser des questions sur le mal, de peur que celui-ci ne me touche. Et là, tu vois la grande compréhension qu'avait ce compagnon. Donc, tu vois la grande compréhension qu'avait ce compagnon. C'est-à-dire que lui, au lieu qu'il pose des questions sur le khair, il a préféré poser des questions sur le mal, pour savoir c'est quoi le mal. Afin qu'il puisse s'en éloigner et afin qu'il puisse craindre le fait d'y tomber. وهذه حكمة بالغة وفقه دقيق من هذا الصحابي الجليل فإنه إذا عرف الشيء سهل إتيانه أو اجتنابه. نعم. يقول تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am verset 55, c'est ainsi que nous éclaircissons nos versets afin que devienne clair le chemin des criminels. Ça c'est une preuve pourquoi on a ramené ce ayah. Okay. Pourquoi on est venu avec ce ayah? Allah subhanahu wa ta'ala يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Et c'est ainsi que nous éclaircissons nos versets pour que devienne clair le chemin des criminels. Pourquoi on est venu avec ce verset là? À qui tu donnes ta... Othman. Hasma. Pour montrer clairement le chiffre et comment il tombait. Naam, ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié les deux choses, le shirk et le tawhid. Tawhid et shirk. Qu'il a clarifié le bien et qu'il a clarifié le mal. Et qu'il a fait cela pour éclaircir quel était le chemin des criminels. Afin que les gens puissent s'en écarter. Et il a éclairci quel était le chemin des gens pieux, afin que les gens puissent le suivre. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ أي نُوَضِّحُهَا وَنُبَيِّنُهَا وَنُمَيِّزْ بَيْنَ طَرِيقِ الْهُدَى وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ لِيَهْتَدِيَ بِذَلِكَ الْمُهْتَدُونَ وَيَتَبَيَّنَ الْحَقِّ. نعم. وتبين بذلك بطلان مذهب المتوقفين الذين إذا بدع أحد لا يلتفتون إلى أسباب تبديعه ولا يقومون بمقتضى ذلك وإنما يقولون لا ندخل في هذا ولا لا بكلام مثبت ولا بكلام منفي. نعم. Donc on prend de cela que on voit aussi la faiblesse de la voie que suivent certaines personnes qu'on appelle les mutawakifin. Mutawakifin, c'est quelqu'un et il n'a pas de position sur certaines choses. Il n'a pas de position. Taïb. Par exemple, il va entendre que un tel... Certains, les savants l'ont rendu innovateur. Lui, va chercher pourquoi est-ce que c'est vrai. Est-ce que cette personne-là, elle méritait vraiment cette critique. Ni va chercher ce qui a été dit sur lui. Il va dire non, nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on ne veut pas savoir. Ça, c'est une khata. Pourquoi? Parce que toi, quand tu ne sais pas c'est quoi les causes qui ont fait sortir une personne de la sunna ou chez Mindalek, toi-même tu peux tomber dans ces choses-là. Ben, l'insan, il se doit de rechercher la vérité et de ne pas rester à l'extérieur comme ça, dire non, on ne rentre pas dans ça. Voilà. Non. S'il a une quelconque capacité à... pouvoir atteindre la vérité, qu'il la cherche. نعم. طيب قال لا بكلام مثبت ولا بكلام منفي. فإذا اختلفت طائفتان في مسألة لا يسوغ فيها الخلاف لا ينصرون الطائفة التي تستحق النصرة ولا ينضمون إليها ويتوقفون في إثبات الحق وإنكار الباطل مع أنه لا بد من إثبات الحق ونصرته وإنكار الباطل وهدمه. نعم. Donc si par exemple il y a deux groupes qui viennent à diverger, eux ils vont pas essayer de de savoir lequel est en plein droit et lequel est en tort. Et ça, c'est une khata. Khata. Que tu ne cherches pas à savoir lequel. Le groupe parmi les musulmans est divers. Et toi, tu ne cherches pas. Non, on ne rentre pas dans ça. Peut-être lui, il a raison. Peut-être lui, il a raison. Non, ce n'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ansur akhak valiman aw mazlum. Secours ton frère, qu'il soit opprimé ou opprimeur. Ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal amr yufid al-wujub. Al-amr yufid al-wujub. Donc, c'est une obligation pour le croyant de secourir son frère. S'il y a un khilaf entre deux frères ou entre deux personnes, hatta même entre sœurs ou la kada, la bud tu'raf man huwa al-muhiq, man huwa al-mubtil, wa yansahun. Na'am. Amma ma nadkhul fi hada, hada ghalat. Hada ghalat. Wa qad yakun. Et certaines personnes, elles peuvent et elles ont un droit de ne pas rentrer dans ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que soit elles n'ont vraiment pas une science pour pouvoir juger. Fahad à la basse. Amma alladhi, celui qui est proche des tullab al-ilm ou celui qui est proche des savants ou quoi, hada la malahu udh. Malahu udh. La buddhi alam. Taïb, qala. قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن يجد له سبيلا. انظروا كما الله سبحانه وتعالى إلى كلمة المنافقين مذبذبين. Il dit ils sont hésitants. Ni ils sont pour un groupe, ni ils sont pour tel groupe, ni ils sont pour l'autre. Ça n'existe pas ça. Ah, خطر موقف. Choisis. Amanta ben. طيب قال لا يستفيدون من كتب الردود على أهل الأهواء على أهل الأهواء. Et ça aussi, ça fait partie de leurs caractéristiques, ces gens-là, que ils ne cherchent pas à lire dans les livres de réfutation qui ont été faits sur les gens des passions qui suivent leur passion. لا يستفيدون من كتب الردود على أهل الأهواء والباطل مع أن أعظم الكتاب في ذلك. C'est quoi le plus grand des livres sur qui concerne les réfutations sur aux associateurs? Le plus grand des livres, le Coran. نعم. فالله سبحانه وتعالى قد رد على جميع أهل الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a réfuté la majorité des gens du faux. Na'am. Ma'anna a'zama al-kutub fi dhalika ash-sha'n kitabullah fa innahu yaruddu ala jami'i anwa'i al-batil wa yalihi kutub as-sunan. Et après le livre d'Allah, les meilleurs des livres ou les livres les plus considérés dans ce chapitre, c'est-à-dire le fait de réfuter les gens du faux, ne sont autres que les livres de la sunna, comme Sahih al-Bukhari wa Muslim wa ghayrihima. فالذي لا يعرف الشر من الشرك أو البدع أو المعصية لا يسلم من الوقوع فيها. Donc celui qui connaît pas le mal, en fait, il pourra jamais être véritablement préservé de ne pas y tomber. Tu te dois de savoir c'est quoi du shirk. Tu te dois de savoir c'est quoi le shirk. Tu te dois de savoir c'est quoi la bid'a. Tu te dois de savoir c'est quoi le ma'asiyah. C'est quoi le péché. Non. طيب. فمن لا يعرف الحزبية مثلا قد يقع فيها. Celui qui ne sait pas c'est quoi la hizbiyya. Le sectarisme. Celui qui ne sait pas c'est quoi, il se peut qu'il tombe dedans. Il se peut qu'il tombe dedans sans le vouloir. Au fil de l'année, quoi. Tu peux tomber dans le sectarisme pour rien. Non. Très rapidement. طيب. فمن لا يعرف الحزبية مثلا قد يقع فيها وليس معنى ذلك أن يعمل بهذا الشر كي يدرك حقيقته، ولكن المراد أن تعرف أن هذا الشرك وأن هذه بدعة وهذه حزبية. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que toi, tu dois absolument œuvrer avec ce mal jusqu'à ce que tu connaisses, tu constates que c'est un mal et que tu te rends compte réellement que c'est un mal. Non, on ne dit pas que tu dois tomber dans la hizbiya, tu dois tomber dans l'innovation. Non, on te dit que tu dois savoir c'est quoi. Tu dois savoir c'est quoi le shirk. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a une très belle parole où il dit dans Daoud Dawa, لكن طيب قال لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. Il reste deux choses avec lesquelles, ça c'est l'imam Ibn al-Qayyim qui le dit. Il dit il y a deux choses avec lesquelles si le serviteur il les possède, alors il va parachever son bonheur. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. Le fait qu'il connaisse en détail les causes du bien et les causes du mal. La première des choses, c'est qu'il connaisse les causes du mal et les causes du bien. ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا التاريخ تفصيل لما جاء عن الله ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن. طيب donc ça c'est une parole jamil jiddan où Cheikh l'imam Ibn al-Qayyim il te dit donc la première des choses par laquelle tu vas atteindre le parachèvement du bonheur, le fait que tu connaisses les causes du bien en détail et les causes du mal en détail. Comment tu peux atteindre cette connaissance là comme l'imam Ibn al-Qayyim dit, soit tu l'atteins en fonction avec ce que tu constates dans le monde. Et fais la nière, quand tu médites sur la création, tu regardes la nature, tu contemples les montagnes, tu contemples les montagnes ou autres, il y a chaque que tu vas arriver à un très bon résultat. Tu vas arriver à un très bon résultat. C'est pourquoi il est recommandé à la personne qu'elle soit attentive sur les signes d'Allah qui se trouvent autour de lui. Donc soit en regardant, en observant ce qui l'entoure dans l'univers, dans le monde, ou soit par des expériences qu'il a fait lui-même, l'expérience de la vie. Plus tu es avant, plus tu as d'expérience dans ta vie, mieux c'est. C'est pourquoi même l'imam al-Bukhari, dans son livre Adab al-Mufrad, il a écrit un chapitre sur Bab, l'expérience. Et Cheikh Yahya, il nous avait fait profiter d'énormes fawaïd sur le fait d'avoir l'expérience dans une chose. Celui qui est expérimenté, il n'est pas comme celui qui ne l'est pas. Et il nous a donné un exemple. Quand on dit l'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est déjà tombé. Il est déjà tombé dans l'erreur. Donc il est expérimenté dessus. Celui qui n'est jamais tombé, il n'est pas comme lui. Et il nous avait donné un exemple, si je me rappelle bien. Celui, par exemple, il n'a jamais loupé la prière en groupe. Hein? Il n'a jamais loupé la prière en groupe. Vous voyez? Quand on dit c'est un savant, il n'a jamais loupé la prière en groupe. Quand quelqu'un, eh bien, lui dit, oui, j'ai commis un péché, je n'ai pas prié en groupe. Lui, il se peut, comme le fait que lui, il soit jamais tombé dans ce marsia, que quand la personne va lui dire ça, lui, il va être dur avec lui. Il va le renvoyer durement. Il va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Tandis que l'autre savant, qui a déjà loupé la prière en groupe, soit pour une raison justifiée ou autre, mais il a déjà loupé. Lui, quand il va avoir la parole de cette personne-là, il va savoir comment lui faire nasiha. Et il va lui dire, voilà, écoute, t'es tombé là, mais c'est pas grave. Fais tawba de cette affaire. Ça veut dire que lui, par rapport à son expérience, il va répondre mieux à la question. Vous avez compris? Donc le mal, le bien et le mal, tu peux le connaître soit avec, en méditant sur ce qu'il y a autour de toi, soit avec ton expérience, tes erreurs passées ou autres. Taïb. وما سمعه من أخبار الأمم. Et aussi avec ce que tu as entendu des communautés d'avant, les récits des communautés d'avant. Ça aussi, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et ensuite il dit, et la meilleure des choses, c'est le fait de méditer le Coran. C'est le fait de méditer le Coran. Quand tu médites le Coran, tu atteins ce résultat. C'est-à-dire le fait de connaître les causes du bien et les causes du mal. Kalam jamil jiddan. طيب قال بعد ذلك طيب ومن انفع ما في ذلك تدبر القران تدبر القران فانه كفيل بذلك على اكمل الوجوه على اكمل الوجوه وفيه اسباب الخير والشر جميعا مفصله مبينه ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهما وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعين ذلك. Et donc il dit que celui qui médite le Coran et aussi la Sunna, celui qui médite le Coran et la Sunna, il va atteindre ces deux, il va atteindre ce résultat, le fait de connaître les causes du bien et du mal. Tanbihun muhim. Et aussi, et l'imam Ibn al-Qayyim il s'appuie aussi sur cela pour et d'autres comme Omar Ibn al-Khattab, sur le fait que la connaissance du mal, pour celui qui a une connaissance parfaite du bien, c'est très très important. Et c'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim dit que ceux qui ont connu la jahiliya, tamaman, et après ils ont connu l'islam, ou l'istiqam, ils sont meilleurs que ceux qui n'ont pas connu la jahiliya. Wa hadha ma akhudhu min kalam Omar. J'ai pas eu le temps de relire le dars avant, je sais pas si je l'ai évoqué plus tard. À la kulli hal, c'est une affaire la shak kafi. طيب قال تنبيه المهم القراءة في كتب المبتدعة أو استماع بعض أقوالهم لا يدخل في ما ذكرنا آنفا. فإنه لا يجوز القراءة في كتبهم. طيب لا ça veut pas dire que quand on dit tu dois connaître c'est quoi la bid'a, tu dois connaître c'est quoi le shart, tu dois connaître, que il t'est permis d'aller lire dans les livres des innovateurs, tu te mets à lire dans leurs livres pour connaître la bid'a. Non, le fait de lire dans les livres des innovateurs, c'est pas permis. À l'exception de qui, Arisman? Qui c'est qui a le droit de lire dans les livres de Moubtadi? Personne, hein? Les jours. Contrer, savoir. Aïe, ouais. L'erreur, elle est contrée. Ceux qui ont de la science, et en ayant pour but de contre-attaquer, de réfuter leurs égarements. Parce qu'à l'époque des salafs, il y avait beaucoup de savants, quand des innovateurs venaient vouloir débattre ou parler avec eux, ils refusaient. Naam. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas, ils avaient peur de tomber ou que leur... Sahih. Lakin, celui qui a la capacité de rad, il se doit de réfuter. Comme l'imam Ahmed a réfuté Al-Jahmiya, wa ghayrahum. Naam. طيب. طيب. On va y essayer de terminer quand même ce, le premier point, Inch'Allah. Il ne reste pas beaucoup, Inch'Allah. Et lorsque le Cheikh dit que le Coran, tout entier, il explique ce, cette base, ce fondement. On parle de quel fondement, Yasmaï? Ya Aba Asir. Al-Ikhlas. Ahsan. Donc le Coran tout entier, il explique ce fondement, l'Ikhlas. Et ça, c'est ajib, ya Ikhwan. C'est ajib, parce que fi'lan, le Coran, kamel, il appelle à l'Ikhlas. Ikhlas al-Din, l'Illah, et Azza wa Jal. Et malgré tout, tu vas dans beaucoup de pays islamiques et tu trouves que aktharhum yushrikun billahi azza wa jalla. Et tu trouves que la plupart d'entre eux, ils associent Allah azza wa jalla. Fa ajibun. طيب قال وهناك قول جميل لابن القيم عليه رحمة الله كما في كتابه مدارج السالكين. Et aussi là on va rapporter une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans مدارج السالكين. Comment se traduit مدارج السالكين? Le sentier des itinérants. Un livre, ya ikhwa, wallahi, innahu min ahsan al-kutub. Il fait vraiment partie des meilleurs des livres. Il fait partie des meilleurs des livres. Malgré tout, il y a des certaines parties de ce livre à prendre avec des pincettes. Il y a certaines parties du livre qui ne sont même pas à prendre carrément, qui sont à délaisser. Parce que là, tu vas rentrer dans le soufisme. Il y a des explications où on sait quelle partie il ne faut pas prendre en compte. En fait, celui qui a étudié, il va savoir vite fait que ça vaut mieux laisser. Ça vaut mieux laisser. Ça, parce qu'en vérité, le alim, mahma yakoun, ce que tu vas prendre de lui, c'est là où il a un dalil. C'est là où il a un dalil. Mais Madaris Salakim al-Hayth al-Umum, c'est un très très beau livre. Il t'apprend ce genre de livre, c'est des livres qui t'apprennent à te connaître toi-même. C'est des livres qui t'apprennent à te connaître toi-même et qui t'apprennent à toujours avoir en tête ton Seigneur. Toujours garder à l'esprit ton Seigneur. Quand tu parles avec ton épouse, avoir ton Seigneur en esprit. Quand tu parles avec tes enfants, avoir ton Seigneur en esprit. Toujours tu dois avoir ton Seigneur en esprit. Et c'est pourquoi qu'on a appelé l'imam Ibn al-Qayyim. Mal, hein, c'est quoi son surnom? Qui connaît le surnom de l'imam Ibn al-Qayyim? Tabib al-Qulub. Tabib al-Qulub. Hein? Tabib al-Qulub. Naam, yani min hayth al-ikhbar. Naam. Tabib al-Qulub. وكنا نقرأ كثيرا في أيام حمزة قبل أن نسافر كنا نقرأ كثيرا في كتب ابن القيم لا سيما داء الدواء فهو كتاب ممتاز. Ça c'est des livres vraiment, genre, je vous conseille de les lire et de les lire et de les lire et de les lire, parce que ça vous aide à l'ikhlas, être sincère dans n'importe quel homme. À la kulli hal, donc l'imam ibn al-Qayyim, il est venu avec une très belle parole, fa yaqul فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dit que le Coran tout entier, il concerne le tawhid ainsi que ses droits, ainsi que sa récompense ou les récompenses du tawhid, et aussi il concerne le shirk et ses partisans, ainsi que leur récompense. Qu'est-ce qu'ils auront comme récompense? Ça, c'est la totalité du Coran. Ensuite, il dit Alhamdulillah, Tawhid. Rabbil Alamin, Tawhid. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tawhid. Maliki Yawmiddin, Tawhid. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, Tawhid. Iyaka nasta'in, Tawhid. اهدنا صراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit guide-nous vers le droit sur le droit chemin, C'est du tawhid. C'est-à-dire, ça sous-entend le fait de demander la guider vers le chemin des gens du tawhid. Et dina sirat al-mustaqim, ça sous-entend le fait que tu demandes à Allah de te guider vers le chemin des gens du tawhid. Naam. Car ce ne sont, il n'y a que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré de ses bienfaits. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. Et ceux qui encourent et non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère ni des égarés. Et ceux-là sont ceux qui ont délaissé le tawhid. C'est une kalam jamil. Kalam jamil l'imam Ibn al-Qayyim, celui qui veut la mémoriser. Elle est dans Madar al-Sarikin, page 418. طيب والإمام عبد الرحمن السعدي dans son livre قواعد الحسان il a un très beau livre qu'on a étudié avec Cheikh Adnan sur les règles dans tafsir al-Qur'an قواعد الحسان. Donc il dit dans dans ce livre là c'est un livre où il a évoqué beaucoup de règles. Donc la sixième règle في طريق القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده يكاد القرآن كله أن يكون لتقرير التوحيد ونفي ضده. Donc ça c'est aussi un nas de cet imam qui dit que le Coran il concerne dans sa grande partie le tawhid ainsi que le tawhid est la récompense de ses partisans et le shirk est la récompense de ses partisans. Ça y est. On va s'arrêter là pour cette partie et Inch'Allah on continuera. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'heure de l'adhan? C'est l'heure de l'adhan. Alors, subhanakallah, si il y a une question, Inch'Allah, alors la question, on la prendra après la salat. Après la salat? Ouais, Inch'Allah, si. Eh bien, le problème, c'est qu'on a pris un engagement avec les dirigeants. Il vaut mieux qu'on respecte notre engagement. Donc, Inch'Allah, les questions après la salat. Ouais, après la salat, on peut poser la question, les questions. Si les sœurs, elles ont des questions, je pose.